Avez pas retiré moi, avez pas retiré moi, avez pas retiré moi, retiré moi à Dango Kala, avez pas retiré moi, avez pas retiré moi, avez pas retiré moi, retiré moi à Dango Kala, répond, avez pas retiré moi, oui, oui, avez pas retiré moi, oui, oui, avez pas retiré moi à Dango Kala, tiens, avez pas retiré moi. Oui, oui, oui. Avez pas retiré moi. Oui, oui. Avez pas retiré moi, retiré moi à Dango Kala. Le répondait Jacques à répondre. Il est embouillé pour qu'on y ça. Amandé, une belle reprise, c'est pour nous jouer go cabazot. Le répondait Jacques à répondre. Il est embouillé pour qu'on y ça. Amandé, une belle reprise, c'est pour nous jouer go cabazot. Yeah.